sais bien mieux ce que t'assumes le produit. J'tique pas la poudre, mais je suis speed comme un Audi. Comme dit Riska, original et le Audi. J'suis wewer. Ferme ton clapet, pousse jusqu'à minuit. J'suis dans un plafond, y'a pescaré, trafic NTE. On revient au quartier, normal, on est bouche bée. A briguer, c'est le brigand. Ma drape se bagarre comme Crocos. Trafic NTE fait bichaper. Niska s'occupe de sortir le coq. J'ai l'arme sous terrain, j'arme le machin. Fais pas la cata, puissant comme Pékin. Trap ça, y'a des gars, vibrer comme jamais. Au charbon, les pesos finir à Mexico. Charbon sous tricot, bien vu dans ma wewer. J'suis wewer, j'suis wewer, j'suis dans l'atmosphère. Petit, dis-moi, qui est neutre. On veut du yellow pour Black in the Yellow. Bouteille, Magnum, bien nos frères. Tana des Tana, assure l'apéro. Tenda, tenda, jusqu'à l'aube. La moula, on veut du yellow. Parents de trafiquette. J'suis dans le game des gamers, je fais des sous. La monnaie, les billets, le yellow, on veut le tout. On veut du yellow, quitte à faire parler les douleurs. Les charrons sur le tapis rouge, on va s'écrouler. Black and yellow, on veut du yellow, on veut du yellow pour Black and yellow. Black and yellow, Black and yellow, on veut du yellow pour Black and yellow. Black and tana, des tana, des tana, des tana, des tana, donc on veut du yellow. Black and tana, des tana, des tana, des tana, des tana, donc on veut du yellow. On veut du yellow. Je ne bronze pas, j'ai mon chapeau. Y'a écrit Charo sur mon capot. J'suis sur le navire, j'suis sur le bateau. Réussir c'est pas dur, si tu ne veux ça tiens qu'à toi. Attends, attends, concentration. Faites des dons à pour ma nation. Comme visage, visage balafré. Et oui l'argent ça ramasse. RG appelle les keufs. Y'a la baie dans le bendo. Faites des dons à pour ma nation. Faites des dons à pour ma nation. Et faites des dons à pour ma nation. Alléluia, alléluia, Che Guevara, Che Guevara. On vient révolutionner le pura. On descend donc ça passe en Dura. RMC Skyrock, ado, génération pas sous plaque, il y est l'eau. Le galon c'est yellow, le pilon est yellow, les billets sont yellow. L'air quand c'est de l'eau. Ce soir c'est bon, j'suis dans le game. La police, la police. Money, money, money, c'est ça le thème. Petit ne dit plus jamais que tu m'aimes. Non, jamais. Je jette des talons le week-end. J'suis dans le game des gamers, je fais des sous. La monnaie, les billets, le yellow, on veut le tout. On veut du yellow, quitte à faire parler les douilles. Les charbons sur le tapis rouge, on va s'écrouler, black et yellow.